FPP vous propose d'écouter la captation de la journée d'hommage à Maurice Rachfus qui s'est déroulée le samedi 4 juillet à La Parole Errante. Vous entendrez dans la première partie des interventions de diverses personnes ayant croisé Maurice Rachfus. Dans la deuxième partie, vous entendrez la table ronde consacrée à Maurice Rachfus, témoin et historien de la répression du Vel'd'Hiv à nos jours, regard croisé sur ses livres. Et dans la troisième partie, vous entendrez la table ronde consacrée à dénoncer les violences policières, transmettre le flambeau, le combat d'une vie. Première partie. Who will pay reparations on my soul? Bienvenue à la parole errante. Nous ouvrons l'antenne, nous attendons que FPP nous rejoigne pour la diffusion hertzienne. Merci à Pinode de nous avoir créé ce point de montage pour cette journée en hommage à Maurice Rachfus à la parole errante. C'est au 9 rue François de Berg. Vous pouvez nous rejoindre toute la journée. Du sollst nicht sorgen, als du gehst im letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen dor, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen dor. Es wird die Morgensonne beleuchten unser Heim, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor. Via Parol sollen dann du Slit von dort zu dort. Und ob versäumen wird du Sinn für den Kajor. Via Parol sollen dann du Slit von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Sie ist nicht ein Lied, fin simmer Feuge läufen frei. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Vom grimmen Palmenland bis Land vom weißen Schnee. Wir kommen ein mit unser Fein, mit unser Wein. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, sprotzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, spritzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Geht's dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Teig. Noch unser Eus gebänkter Schor, es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen do. Weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor, es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen do. Nous sommes dans les jardins de la parole errante où nous avons installé un studio radio. Tout le monde nous a rejoint. Nous sommes en direct sur FPP en hertzien avec Pinode et sur le site de La Parole Errante demain. Aujourd'hui à 16h, des projections de Rush, une chorale qui se prépare. Des projections, puisque oui, des projections, on me dit autour, qui vont bientôt commencer. D'extraits de rush de films sur Maurice Rachfus. Ensuite, une table ronde à 18h qui aura lieu dans la grande salle et qui sera également rediffusée. Et à 20h, une autre table ronde sur les violences policières avec beaucoup de stands pour manger et se rencontrer avec des masques et du gel hydroalcoolique, mais aussi de visu.

Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous présenter cette journée ? Est-ce que tu peux nous présenter cette journée ? Alors oui, il y a la fanfare qui a commencé derrière. Là, tu m'entends Marc ? Oui, j'entends, c'est bon. Je voulais savoir si tu pouvais nous présenter cette journée. Eh bien, c'est une journée qui est à l'initiative à la fois de la famille, des amis... Alors prends ce micro, ça va marcher. Oui, c'est donc une initiative qui a été mise en place par la famille, les amis, par Fréquence Paris Pluriel, les éditions Libertalia. Donc on s'est tous mis ensemble pour penser à un hommage à Maurice, sachant que les obsèques qui ont eu lieu le 18 juin dernier ne permettaient pas de pouvoir rassembler beaucoup de monde en raison à la fois des conditions d'exiguïté des lieux et puis également de risques qu'on ne voulait faire prendre à personne en raison de la situation sanitaire. Donc il nous a paru important de vue et à la fois ce qu'a été la vie de Maurice et puis l'actualité qui était en cours au moment de son décès. On ne pouvait pas laisser les choses sans rien faire. Il nous a paru important de faire quelque chose aussi un peu à son image, que ce soit à la fois de la musique, le fait que ses amis puissent être rassemblés, qu'on puisse également à travers des films, des extraits de films, pouvoir le revoir, l'entendre, et puis également avec deux tables rondes, l'une qui sera animée à 18h30 par Ludivine Bantini autour de Maurice Rachefus, historien et historien de la répression, avec Nicole Abravanel, historienne, et Daniel Kupferstein, documentariste. Et sachant qu'il a travaillé bien sûr avec ces deux personnes. Et puis une table d'actualité proprement dite à 20h30 qui sera animée par David Dufresne. Actualité parce qu'on est actuellement dans un moment particulièrement de crise par rapport à l'attitude de la police dans ce pays. Donc David Dufresne animera cette table ronde avec la participation de Raphaël Kempf, avocat, de Vanessa Codaccioni, historienne spécialisée sur la répression, et puis également des représentants des familles, en l'occurrence Youssef Brakni et Ramata Dieng. Donc une initiative qui, de 16h à 22h, va permettre de retrouver pas mal de facettes, je dirais, de la vie de Maurice, de son travail, à la fois de ses recherches, de son investissement militant et aussi tout l'investissement amical qu'il pouvait avoir avec les uns et les autres. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Maurice pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Maurice Rachefus ? C'est délicat long, quand on est son fils de présenter son père en quelques secondes. C'était quelqu'un qui avait surtout un regard critique, qui a eu un regard critique très tôt. C'est un rescapé de la rafle du Veldiv. Il avait 14 ans, ses parents ne sont pas revenus et il s'est retrouvé avec sa sœur 2 ans tout seul dans Paris sous la botte nazie. Donc ça a contribué certainement, je dirais, très jeune à former, j'ose pas dire son caractère, en tout cas de ce qu'il est devenu, sa personnalité. C'est évident que c'est un élément essentiel dans son existence. Ensuite, des années de militance, des années aussi de vaches enragées dans les années 50. Et puis mai 68 qui a été certainement une révélation et qui... lui a permis de, à partir de 68-69, de s'intéresser à nouveau moins au travail et plus, je dirais, à une vie militante qui l'amenait de façon plutôt individuelle. C'est-à-dire qu'il était très proche des uns, des autres, à gauche de la gauche, mais sans être encarté quelque part. C'était sa personnalité qui faisait qu'il il s'intéressait à un certain nombre de sujets qui pouvaient être celui de la question juive à travers le génocide, mais pas seulement, à travers aussi le rejet qu'il avait de la communauté juive en tant que telle, pas des juifs en général, mais des gens qui s'organisaient pour maintenir quelque chose qui lui semblait à la fois hors d'âge et hors de propos, puisque ça a été toujours... J'ai toujours connu comme quelqu'un qui s'intéressait à la fois à tout le monde et qui considérait que tout le monde était l'égal de tout le monde. Je crois que c'est important dans sa trajectoire. Et puis, petit à petit, son champ, je dirais, s'est élargi à partir du moment où il a commencé en 68 à mettre en fiche, je dirais, tous les événements politiques liés aux violences policières, liés aux grèves, aux manifestations. Ce qui fait qu'au bout de 40 ans, il était à la tête de dizaines de milliers de fiches qu'il a ensuite exploité à travers plusieurs livres sur la répression ou sur d'autres domaines, en particulier sur la question de l'attitude de la police en France. Oui, ça revient souvent, cette histoire de fiches, de travail accumulé dans son appartement. Oui, moi je l'ai connu enfant. Il passait, quand il revenait du travail, il passait ses soirées à découper la presse et à coller les articles de presse sur les fiches Bristol. Alors là, on est dans le jardin de la Parole Errante. Donc ce plateau est organisé avec l'atelier studio radio de la Parole Errante, avec Pinode qui nous permet de faire cette rediffusion qui est également hertzienne, donc sur FPP. Maintenant, vous nous avez rejoint, je crois, Juliette. Oui. Et je crois que Maurice avait aussi un lien avec FPP, avec la radio. Est-ce que quelqu'un peut en dire un mot, puisqu'il y a des auditeurs de FPP qui nous ont rejoints. Je peux en dire un mot. En fait, j'ai appris juste après son décès qu'il était président honoraire de Fréquence Paris Pluriel. Comme à la différence des maréchaux soviétiques qui alignent sur leur poitrine des dizaines de décorations, il était tout à fait contre les décorations. Et effectivement, quand il filait un coup de main ou qu'on lui proposait d'être président d'honneur ici ou soutien ailleurs, il le faisait sans forcément en parler et sans en faire toute une histoire. Donc moi personnellement, j'ai découvert qu'il était président d'honneur de Fréquence Paris Pluriel effectivement après sa disparition, mais c'est tout à fait à son image. On était en train, Pierre, de parler des liens de... Pierre nous a rejoint. Peut-être, Marc, on donne un casque à Pierre. Oui, tu peux aller, merci beaucoup. C'est un peu rapide, mais peut-être on peut se retrouver tout à l'heure. On était en train d'évoquer les liens de Maurice Rasfuge avec FPP. D'abord, Maurice, ça a été un des invités réguliers de l'antenne, puisque je crois qu'il a dû passer plusieurs dizaines de fois, voire présenter ses livres. Donc c'était un des intervenants presque réguliers dans une série d'émissions à l'antenne. Il se trouve que quand on a eu quelques problèmes avec la justice pour des propos, si je me souviens bien, je crois que c'était sur la police ou sur des matons qui nous étaient reprochés par la justice, on avait demandé à Maurice de bien vouloir être le président d'honneur pour se mettre un peu sous sa protection en cas de poursuite judiciaire. Et évidemment, Maurice avait accepté d'être un peu notre paratonnerre face aux attaques de la justice sur les propos qui auraient pu être tenus à l'antenne sur des sujets qui par ailleurs lui tenaient beaucoup à cœur. Donc là, je vais, comme nos auditeurs de FPP nous ont rejoints et que peut-être qu'on a manqué un tout petit peu le début, je vais rappeler un petit peu le déroulé de la journée que peut-être que tu peux présenter avec moi. On est à la Parole Errante, en direct. Voilà, exactement. Je disais que ce plateau avait été préparé avec l'aide de Pinod, l'atelier radio, studio radio de la Parole Errante qui est tout neuf et finalement pour l'instant la radio de la Parole Errante fait beaucoup de radio avec d'autres radios puisqu'elle a accueilli également La Centrale qui nous aide beaucoup aussi pour cette diffusion, Pinod et FPP pour aujourd'hui. Donc c'est des radios collaboratives. Ouais, et donc du coup, la journée commence à 16h avec la fanfare, comme on peut l'entendre. Non mais il y a une ambiance du tonnerre parce qu'il y a la fanfare invisible qui a investi le lieu et qui nous fait le répertoire des mobilisations comme un début en fanfare pour l'hommage de Maurice Rachfus. Voilà. Et puis après, il y a plusieurs débats. Enfin, il y a au moins deux débats qui vont se dérouler dans la suite de la journée. Un autour de l'œuvre de Maurice Rachfus. Ouais, il a écrit une soixantaine de livres. Donc certaines de ses œuvres, qui, de mon point de vue, sont assez remarquables, ont marqué l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale en France. Vont être discutés, interrogés, tout ça. Et puis il y a à 20h un débat autour de que fait la police, des violences policières sous toutes leurs formes et à travers les âges. Voilà, mais je crois qu'on dit souvent la même chose avec Marc. C'est vrai. Non. Ah. Oui. Non, il nous a raconté que Pierre Dufresne viendrait aussi et qu'il y avait d'autres invités plus en lien avec l'actualité autour des violences policières en ce moment. On laisse la fanfare prendre le chemin des micros un petit peu et puis on se retrouve juste après. Salut. Nicht sorgen, als du gehst im letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind da, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind da. Es wird die Morgensonne beleuchten unser Heim, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor. Via Parol sollen dann du Slied von dort zu dort. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor. Via Parol sollen dann du Slied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Sie ist nicht ein Lied, find sie mir Feugeläufen frei. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend.

Oui, Yves, on était en train de parler de, on était en train de parler des liens de Maurice avec FPP. Alors, tu fais partie. Alors, oui. Alors, Maurice, d'abord, c'était un des créateurs de FPP et président d'honneur de la radio. Et ouais, ouais. Donc, la... Mais quand moi, je suis arrivé à la radio, je ne le savais pas. C'était en 2006-2007. Et bon, c'était pas la première fois que je rencontrais Maurice, hein. On s'était déjà rencontré plusieurs fois. Et je l'avais invité à une émission RESF. Et ça, c'était en 2007. Et c'était quand Sarko avait décidé de rendre un hommage à Guy Moquet en demandant à tous les enfants, à tous les élèves de France d'adopter un enfant juif qui avait été déporté, d'écrire une lettre à un enfant juif et en même temps essayer de récupérer complètement Guy Moquet en faisant lire la lettre qu'il avait, qu'il avait écrite à sa maman. Et donc, bon, nous, on n'était pas vraiment d'accord avec cette loi sanctuaire et cette récupération. Et j'avais invité Maurice à la radio. Là-dessus étaient venues deux jeunes filles, qui sont un peu moins jeunes maintenant, qui étaient au lycée où était Guy Moquet dans le 17e. J'ai le nom du lycée sur le bout de la langue, mais ça va me revenir tout de suite. Et ce que j'ignorais, c'est que j'invitais Maurice chez lui. Et il ne m'avait rien dit. Donc on arrive à la radio. Et là, tout le monde dit « Ah, bonjour Maurice, comment tu vas ?» Et là, je m'étais rendu compte que je l'avais invité chez lui. Ça avait été assez rigolo, assez sympa. Et c'était une émission qui avait été un petit peu improvisée puisque ces deux lycéennes qui étaient venues donc, avaient créé un mouvement dans le lycée. J'ai plus le nom du lycée en tête. Hein. Et qui s'appelait La Rose El Reseda. Et justement, pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec cette commémoration et cette récupération sarkozienne. Et en fait, l'émission avait été absolument extraordinaire parce que, avec le dialogue de ces deux lycéennes et Maurice, et qui expliquaient des choses sur la. D'une part, sur le rôle de la police pendant l'occupation. Sur qui était Guy Moquet, qui n'avait pas été réellement arrêté et fusillé pour des faits de résistance, mais simplement qu'il avait été fusillé comme otage, ouais. Sur l'information qu'on avait sur les camps de concentration, et en expliquant que tout ça, il suffisait de lire la presse française et qu'on pouvait avoir toute l'information, et en balayant cet argument qui dit « on ne savait pas », alors qu'on pouvait tout savoir... Voilà, donc ça, c'est la première fois que j'ai invité, Maurice à la radio. Bon, je l'invitais chez lui. Autre anecdote, c'est que donc Maurice, il intervenait beaucoup aussi dans les écoles, que moi, par ailleurs, je suis enseignant, hein, et que donc, c'était un voisin. Il était venu intervenir dans mon lycée justement pour parler de l'antisémitisme, pour parler de la déportation. Ton lycée qui est ? Hein ? Il est où ton lycée ? Il est à Gentilly. Ok. Et donc, en montrant très bien qu'en fait le problème c'était pas tant un problème d'antisémitisme qu'un problème de racisme et de xénophobie. Et il avait réussi à amener les élèves, après ça avait été une discussion et un débat passionnant. Voilà quoi, c'est... Justement, tout à l'heure, on se demandait si vous aviez des archives à FPP, parce que ça aurait été drôle d'entendre un peu sa voix, mais du coup, il a fait de la radio lui aussi. Hein. C'était pas du tout seulement, comme tu disais, avec cette émission sur RESF, il a fait aussi de la radio et donc il y a aussi des archives certainement. On a beaucoup d'archives. D'abord, il était au départ d'une émission, d'une des émissions historiques de FPP. Qui s'appelle Les Oreilles Loin du Front, hein, puisque c'était un des créateurs de Ralph Front. Et Les Oreilles Loin du Front, c'était l'émission de Ralph Front, hein, une émission qui existe toujours et qu'on peut écouter le mercredi de 19h à 20h30. Donc je suppose que Les Oreilles doivent avoir beaucoup d'archives. Quant à moi, j'ai fait deux émissions avec Maurice, même s'il est intervenu dans d'autres émissions. Donc il y a une émission qu'on a rediffusée la semaine dernière, cette fameuse émission qui était l'émission donc, du 17 octobre 2007. J'ai une autre émission, j'ai plus la date, là, qui n'était pas l'émission RESF, mais l'émission singulier au pluriel. Et où donc là je l'avais invité pour parler de son parcours, pour parler de lui, quoi, pour faire un portrait. Et du coup, cette émission sur 17 octobre, c'était sur 17 octobre 61 à Paris ? Non, c'était un pur hasard. C'était donc le 17 octobre parce que ça tombait un petit peu avant la commémoration officielle de Guy Moquet. Et donc c'était tout à fait par hasard. Hein. Bon bah écoute, merci Yves. Tu voulais ajouter quelque chose ? Alors je pense qu'on va rediffuser... À propos de ça, oui, à propos des archives. Donc on a l'émission qu'on avait fait donc le 17 octobre 2007. Elle est accessible sur le site RESF à la rubrique radio. Alors il faudra la chercher un peu parce que c'est un peu au fond. Hein, c'est les archives. Mais bon, resf.info/radio. Et puis là, en descendant, on va arriver à 2007. Une autre émission que je n'ai pas remise en ligne, mais que je vais mettre en ligne assez rapidement, qui était une émission singulier au pluriel. Et je pense qu'elle sera rediffusée. Ce sera le quatrième mardi du mois de juillet, ouais, à 18h. Parce que là, c'est le moment des rediffusions AFPP. Ouais. Merci Yves. C'est moi qui te remercie. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other colors, so police think they have the authority to kill a minority. But motherfucker, man, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a bat and a gun to be beaten on. And then I'm thrown in jail, but we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with a nigga cause a nigga turned major and got a little bit of money in the pages. Search a nigga car, looking for a product, thinking every thug nigga selling narcotics. They'd rather see me in the beard than me blowing in dough, rolling in my Benzo. I send the police to the grave, and when I finish, need to bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still get swole off bread and water. I don't know if they bags or what. Search a nigga down and grab on his nuts, and on the other hand, without a gun they can't get none. But don't let it be a black and a white one. They'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. But Crazy Bone was sworn. Motherfucker in the blue uniform. Just cause I'm from the CLE, the punk motherfuckers be afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I'm finished, it's gonna be a bloodbath. A cop that around my way. Yo, bitch, I got something to say. Fuck the police, fuck the police, fuck the police. Fuck the police, fuck the police. And Bone said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. And it's whenever I'm stepping that a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Bone was the niggas that they never saw. Lights start flashing behind me, but they scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. And plus it gives them a hint not to step in my path. The police, I'm saying fuck you punk. Reading my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so we can see what's up, and I go at it, punk. And I'ma fuck you up, make you think I'ma kick your ass and drop the gap, and Bone's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now but not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, and any asshole that threatens me. And I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't fuck with me, the motherfucker killer that's mad, with potential to get bad as fuck. Now I'ma turn it around, digging the clip, yo, and listen to the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the strap. Taking out a police, I'll make my day. And a nigga like Bone don't give a fuck to say. Fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police, fuck the police. Alors Frédéric vient de nous rejoindre et on est en train d'installer un plateau pour que tu nous parles, Frédéric, du travail de film que tu as fait autour de Maurice, alors que la chorale bat son plein encore et qu'on vient d'entendre Public Enemy. Fuck the police. Frédéric est en train de s'installer. Tu as travaillé sur Maurice. Oui. Avec des images. Oui, oui, j'ai fait un film documentaire sur Maurice, hein, qui s'appelle L'an prochain, la révolution. Et donc, qui est diffusé dans, cet après-midi cet après-midi, le film est assez long, il dure 70 minutes. Et donc, on a décidé de passer, comme il y avait pas mal d'images à passer, on a décidé de passer que des bonus du DVD. Ok, donc c'est enfin, ça. C'est-à-dire c'est ça des séquences qui n'ont pas pu prendre place dans le film. Quoi. Ok, qui sont ce qui est appelé les rushs, les diffusions de rushs. Enfin, c'est des rushs montés, hein, c'est des séquences montées, okay. C'est pas seulement des rushs. Du coup, c'est un travail que tu as commencé il y a longtemps. Raconte-nous un peu, je ne vais pas poser des questions trop bêtes. C'est un film que j'ai fait en 2008, je crois, oui, en 2008. Ouais. Et voilà, donc, qui date d'un petit moment déjà. Hein. Voilà, mais enfin, c'est un peu compliqué de parler d'un film. Peut-être de ta rencontre. Maurice, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Enfin, c'est un vieux compagnon de lutte, quoi. Hein. J'ai toujours vu, même quand je le connaissais pas, je voyais sa silhouette avec son écharpe rouge et noire dans tous les rassemblements où j'étais, quoi. Donc, voilà, c'est un vieux compagnonnage. Et puis, voilà, ce qui m'a intéressé, c'était la connexion entre son histoire intime, enfin son histoire familiale, l'arrestation et la déportation de ses parents le jour de la rafle du Veldiv, en juillet 1942. Mmh. La relation entre cette histoire intime et puis son engagement politique ultérieur, hein, contre la répression notamment. Alors cet après-midi, du coup, les projections commencent à 16h. Voilà. Et tout le monde peut nous rejoindre au 9 rue François de Berne. Voilà, l'an prochain, la révolution, les extraits de Frédéric Goldbraun, tu es là, et également des extraits de Rush, de films sur... Je regardais le programme, il y a aussi des extraits oui, de Rush, du réseau de films... Tu peux nous en dire un mot. Moi, je ne me suis pas du tout occupé de cette vidéo. Ce qu'on va montrer cet après-midi, qui a été fait autour de l'an prochain révolution, c'est trois bonus, un entretien avec Mohamed Harbi autour de la guerre d'Algérie, enfin du mouvement pour l'indépendance et de l'engagement de Maurice contre la guerre à l'époque. Et un autre bonus avec Gilles Perrault sur l'engagement de Maurice dans Ralfront. Hein. Maurice a été président de Ralfront, qui a été la première organisation de résistance à la montée du Front National. Et puis d'autres petites surprises, sans doute. Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir. sommes toujours sur Pinode Radio Parole Studio Parole Errante. Demain Studio Radio Parole Errante demain dans le jardin avec FPP. Nous attendons un petit peu des invités dans le jardin pour discuter un peu de cet après-midi qui se déroule au 9 rue François de Berg. Vous êtes bienvenus pour nous retrouver. C'est un peu une réouverture des lieux puisque pendant plusieurs mois le lieu a été fermé comme beaucoup et c'est un peu un premier rendez-vous public. Voilà. Et je demandais à Pierre si on pouvait dire un mot sur cette réouverture, mais ce sera pour plus tard. Alors, musique. Bonjour. Ah, on t'entend pas bien. C'est le bleu. Vas-y. Ah, c'est ça, bon. Ouais. Ouais. Bonjour, oui. Bonjour. Je crois que tu fais partie du collectif La Horde. Oui, voilà. Enfin, je sais pas si on dit collectif. Oui, c'est un collectif. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites? Ah, pour présenter La Horde rapidement, oui. Ouais. Alors, c'est un collectif antifasciste qui est au service des collectifs antifascistes de terrain. C'est-à-dire qu'on essaye de proposer aux collectifs qui font vraiment le boulot localement des outils qui accompagnent leurs activités et puis aussi donnent de la visibilité à ce que les gens font. Donc c'est à la fois de l'information, du matériel et puis aussi des formations, des interventions quand c'est nécessaire, mais toujours en lien avec les collectifs antifascistes autonomes. Et quel est le lien que vous aviez avec Maurice Rasmus? Alors, moi, à titre personnel, et plusieurs personnes de notre collectif, on connaissait Maurice déjà de l'époque de Nos Passaranes, puisqu'on était souvent, on est plusieurs à avoir milité dans le réseau. Et puis, plus récemment, dans le cadre du collectif La Horde, on l'avait rencontré autour du 17 octobre 61, on avait été chez lui pour l'interviewer, et puis un petit peu après, mais dans la continuité, on avait organisé une rencontre autour d'Adolfo Kaminski qui a un parcours qui est pas celui de Maurice mais qui s'est croisé avec celui de Maurice puisque c'est un faussaire engagé à la fois dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il était un peu plus âgé je crois que Maurice, et puis mais de quelques années en fait ça s'est joué à peu, et puis ensuite qui s'est investi beaucoup toujours en tant que faussaire dans les luttes de libération nationale et spécifiquement dans le cadre de la lutte de libération nationale en Algérie. Ouais. Et donc voilà, c'est des gens qui s'étaient rencontrés il y a 60 ans dans ces combats-là et qui, à la faveur d'une projection qu'on avait organisée au cinéma La Clé, autour de, du parcours d'Adolfo Kaminski, s'étaient revus. Et donc c'était un moment, c'était retrouvé. C'est sûrement, je pense, un des derniers, enfin pour nous en tout cas, un des derniers moments de rencontre avec, avec Maurice. Et c'était une mémoire réactivée. Et je crois que c'est... Je raconte cette histoire parce que je trouve que ça symbolise bien aussi ce que Maurice portait, c'est-à-dire la mémoire de lutte qui s'inscrivent à la fois dans une histoire longue et puis des moments vraiment cruciaux pour à la fois pour la lutte antifasciste et puis sans cesse réactualiser, j'ai l'impression. Et voilà, et qui là, par rapport au 17 octobre 61, tu peux raconter un petit peu plus qu'il avait. Alors, sur la guerre d'Algérie en général, puisque Ce qu'il nous avait raconté, c'est des choses. Qu'il a dit, qu'il avait dit par ailleurs, hein, c'était ce qui était intéressant, c'était le fait que ça se passe chez lui, ça avait été l'occasion de voir un petit peu sa façon de travailler, etc. Sur le 17 octobre, il nous avait raconté son témoignage indirect, puisque lui-même n'était pas directement présent, mais comment son engagement à ce moment-là a croisé cet événement, et puis comment lui, après, il s'y est intéressé. Mmh. Voilà. Je veux pas dire trop de bêtises, mais ça fait plusieurs fois, il y a comme... Enfin, je crois que c'était Marc, son fils, tout à l'heure, qui nous parlait de toutes ces fiches, de cette image de l'historien militant, quoi. Enfin, je sais pas, qui fait un travail vraiment de recherche et qui, en même temps, il y a une amie à vous qui me montre quelqu'un qui gratte, enfin, qui me fait le signe de la main d'un espèce de travail de réactualisation, d'enquête, en fait, aussi... sans être universitaire, sans être de formation universitaire. Ça nous parle d'autant plus à nous, enfin au collectif La Horde, qu'en fait c'est un peu pareil pour nous. C'est-à-dire qu'une de nos spécificités, c'est de faire justement un travail de recherche et d'enquête. Alors nous, c'est sur l'extrême droite, mais sans être nous-mêmes ni universitaires, ni spécialistes de quoi que ce soit, mais en tant que militants. Et donc cette passion du détail, d'essayer de... Voilà, justement, de ne pas rester dans les généralités, mais d'appuyer ses idées, ses propos par des faits extrêmement précis. Et du coup, de s'organiser pour ça, ça nous a rapprochés. Alors bien sûr, lui, c'était une méthode vraiment spécifique avec toutes ces petites fiches, mais ça nous a beaucoup impressionnés, évidemment. Et puis quand on discutait, à chaque fois, il y a qui repensait à un événement, hop, on allait chercher la petite coupure de presse qui était soigneusement collée sur sa fiche Bristol. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des choses... qu'on n'oubliera jamais. Ouais, c'est sûr. Du coup, ces fiches, c'était des coupures de presse. Ce qu'on a vu essentiellement, alors avec éventuellement à noter, avec des commentaires, et ça, là où ça nous a fait penser à notre propre travail, à nous aussi. Alors, en toute proportion gardée, hein, parce que là, c'est le travail en plus d'une personne, donc c'est d'autant plus impressionnant. Là où nous aussi, en fait, on fonctionne comme ça, à la fois avec des coupures de presse, de diverses sources, qu'on complète en recoupant les informations. Et puis, bien sûr, l'intérêt de Maurice pour la lutte antifasciste en général, là, c'est pareil. C'est quelque chose qui a fait que forcément, tout de suite, on a su de quoi discuter. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait ces... Tu parlais des travaux du collectif No Pasaran par rapport aux diffusions cet après-midi qui sont faites, de films aussi. Alors c'est vrai, moi j'ai pas participé pas à l'élaboration du DVD, mais en revanche là où j'ai, moi je m'occupais plutôt du journal No Pasaran, pas seul bien sûr, parmi d'autres gens. Et donc c'est plus qu'on récupérait la tribune de Maurice, puisqu'il avait une tribune régulière dans tous les numéros, ça s'appelait Feu à volonté, et dans lequel c'était un peu le coup de gueule de Maurice. Pour ceux qui le connaissent, ils voient bien de quoi il pouvait s'agir, et à la fois avec humour et en même temps sans concession, toujours un petit commentaire sur l'actualité. Et voilà, ça faisait un fil rouge aussi, et c'était complémentaire, je dirais, du travail plus spécifique qu'il faisait avec que fait la police et l'OLP. Mais justement, c'était bien d'avoir aussi cette petite fenêtre où il pouvait vraiment se lâcher, entre guillemets. Et je pense que c'était salutaire aussi que ça se fasse. Ce qui était intéressant, c'était que Maurice avait là un pied dans tous les réseaux antifascistes, à la fois Ralfron et Nopa Saran. Et il était la démonstration vivante que... voilà, il est possible de garder à la fois ses propres convictions, qu'elles soient fortes, et en même temps une ouverture d'esprit qui permet de travailler avec beaucoup de gens. Et ça, c'est vrai que c'est rare, en fait, les gens qui sont capables de faire ça. Bon, on va passer un peu de musique. À moins que tu veux y rajouter quelque chose. Du tout, je vais laisser la parole à d'autres. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler. On fait le principe un peu, si... Pour ceux qui nous écoutent, on est dans le jardin, donc du coup les gens passent autour de nous et il y a des occasions de rencontre et de déposer quelques mots petit à petit, non pas sur des fiches mais dans le micro. Et puis voilà, de continuer ce trajet ensemble. Super, ça fera un super souvenir après. Ouais. Un souvenir dommage. Ouais. Merci. Hein. Dove s'arrangia, dove s'arrangia, là sui monti fu la grangia, dove s'arrangia il partigiano l'arma alla mano. Guarda lontano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là sopra i monti stanno sparando, là c'è il comando, là c'è il comando. Là sopra i monti stanno sparando, là c'è il comando dei partigiani, e il partigiano l'arma alla mano. Guarda lontano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là sui monti le stelle alpine crescono vicine, crescono vicine. Là sui monti le stelle alpine crescono vicine ai partigiani, il partigiano l'arma alla mano. Guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Salut Nico, t'as pris quelques photos du studio tout à l'heure, je t'ai vu derrière ton masque. Ouais, j'ai pris une petite photo... une photo souvenir avant. Et j'ai pris des photos avant le lancement d'initiative pour poster ça sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai gardé que les photos de la table de presse. Il y a tellement de bouquins que j'ai mis que ça. Voilà. Mais demain, je ferai un petit compte rendu. Donc, du coup, quels sont les livres qu'on trouve sur cette table ? Alors, il y a 49 titres de Maurice Rachfus. Il y en avait 49 il y a un peu plus d'une heure. Là, on doit être descendu à 45 références. On trouve à peu près tout ce qu'il a écrit de 1980, date de son premier livre. Enfin, je pense que c'est la date de son premier livre. Les Juifs dans la collaboration avec une préface de Pierre Vidal-Naquet jusqu'au dernier ouvrage publié. Je pense que le dernier publié, c'est celui qu'on a fait nous avec Libertalia, qui s'intitule... Je n'aime pas la police de mon pays, qui est un livre un peu ancien, qui est un livre qui date déjà de 2012, mais qu'on a réédité, réimprimé en ce mois de juin 2020. Voilà. Ouais. On a reçu une nouvelle édition qui boucle un peu la boucle. On devait nous faire un livre avec Maurice et David Dufresne sur les violences policières d'hier à aujourd'hui. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire, des notes, des éléments dont on dispose. Peut-être quelque chose où on comprendrait aussi sa manière de travailler. Ce dont on dispose, c'est de 50 pages de notes. Ouais. Voilà. On verra ce qu'on en fait. À l'heure actuelle, j'en sais rien. Je suis très content de voir tous ces gens passer ici. Très content de voir tout ce monde sur la table de presse. Encore plus content quand on sait que la totalité de la recette de la table de presse sera reversée à des collectifs en lutte. Et je dis des parce que vu la somme qu'on aura certainement ce soir, on pourra partager et chacun aura une enveloppe tout à fait convenable. Voilà. Est-ce que tu peux repartir, puisque tu parlais du premier jusqu'au dernier livre, repartir du premier livre que vous avez publié? Alors nous, on a publié qu'un seul livre de Maurice Rachfus, mais lui, il a eu une... Libertalia, donc... Et en l'occurrence, on a publié le dernier. Okay. En revanche, on a été nourri par les lectures des livres de Maurice, notamment pour ma génération, celle qui a autour de 40 ans, un peu plus, tout ce qu'il a publié au début des années 2000 chez l'Esprit Frappeur. Ici, on a tout un panel sur la table de presse des livres sur le comportement policier, sur les violences racistes et sécuritaires, mais des livres publiés donc par Michel Sidbon avec les éditions L'Esprit Frappeur, mais des livres qui étaient des livres d'intervention. Maurice a aussi publié pas mal de livres d'histoire, des livres... C'était pas un historien professionnel, mais c'était un passionné des archives, et il a rédigé quelques livres importants, notamment... un livre sur le camp de Drancy, camp de concentration très ordinaire. Ici, ce soir, on a les trois éditions disponibles. Il y a une édition de poche, elle est épuisée. Voilà, ça, c'est un livre qui a fait date. C'est un livre qui a fait date, qui a été publié, il me semble, en 1996 initialement et qui a été repris en 2007 en poche, puis en 2012 en grand format. Voilà. Il y a aussi beaucoup de livres de Maurice Rachfus qui abordent... C'est beaucoup raconté dans ses bouquins. Donc il y a toute la dimension biographique. Un livre publié par l'édition Le Temps des Cerises sur la rue Dieu. Il est né dans le 10e, 17 rue Dieu, ce qui pour un anticlérical était quand même un sacré clin d'œil. Il a ensuite vécu à Vincennes avec le funeste destin que l'on sait puisque ses parents ont été raflés. Et ça, il le raconte également dans ses ouvrages, dans les ouvrages qui ponctuent sa biographie, les ouvrages autobiographiques qui ponctuent son existence. On a le livre sur 1938 publié par Vertical, 10 ans en 1938. On a les livres évidemment sur la Seconde Guerre mondiale et les livres sur le moment important de son existence, 68. Et c'est après 68 qu'il se met à cartographier les violences policières, à archiver, à faire des petites notes, à découper les journaux tous les jours. C'est un travail qui commence à partir d'un événement particulier. Je regardais ça, non, le démarrage de cette... Je ne sais plus à quel moment il se décide à faire ça. Je sais simplement qu'il a établi une filiation, évidemment, entre la police de 42, police de 61, la police de Charonne, la police de 68, la police de Marcelin, et il y a tout un fil rouge qui court jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que il y a quelque chose qui, dans la journée d'aujourd'hui, dans le match du jour, relève de la filiation. Ce soir, ceux qui interviennent, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup lu ceux qui interviennent sur le plateau violence policière, à l'exception de David Dufresne, je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup lu l'œuvre de Maurice, mais peu importe, ils l'ont croisé dans les manifestations, ils ont participé aux mêmes luttes et ils entretiennent une certaine flamme de la résistance. Voilà. Mmh. Et du coup, c'était ce projet de livre avec David Dufresne, c'était de nouveau une réactualisation, enfin, sans dévoiler les notes de ce travail, c'était un travail qui était de nouveau sur cette réactualisation un peu de son travail d'enquête autour des violences policières. C'était un travail de réactualisation. Il faut savoir que Maurice travaillait avec une machine à écrire, donc stylo, machine à écrire, n'avait pas internet, mais regardait les infos, écoutait la radio et lisait quotidiennement la presse papier. Donc là, il s'agissait de confronter deux générations de lanceurs d'alerte dans une certaine mesure, d'observateurs des violences policières. Une génération qui a été particulièrement active entre 92, 94 et 2012-2014, donc pendant le bulletin Que fait la police, qu'il animait avec Jean-Michel Mention, dit Alexis Violet, et les générations d'aujourd'hui, par exemple, le travail que peut faire le collectif Vivolet ou le travail fait par le comité Adama. Il s'agissait d'arriver à relier tous ces gens-là, mais moi, j'ai fait partie de ceux qui ont organisé la rencontre entre les retrouvailles entre Maurice et David en janvier 2020, donc il y a quelques mois. Et à cette occasion, Maurice a été filmé chez lui par Combini. Il ne savait même pas ce que c'était Combini. Il m'a dit, il y a des jeunes qui veulent venir me filmer. Il y a en effet un caméraman qui est venu, qui a tout fait, caméraman preneur de son, et la vidéo a été vue 1,5 million de fois. Cette vidéo, ce vieux monsieur qui a toutes ses archives, qui montre son étoile jaune à l'écran et qui dit voilà, la police ne sera jamais républicaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il tenait particulièrement. Et ça faisait l'objet d'un débat avec, avec David. David ouais. Dufresne, lui, pense qu'il y a des flics républicains. Ouais. Maurice disait, t'as peut-être raison, mais à mon âge, on lâche plus, on lâche rien. De 42 à aujourd'hui, c'est la construction. Il parle pas de l'homme derrière l'uniforme. Il tenait sa ligne fermement. La police, c'est un appareil répressif d'État. Et il n'y a jamais eu de policier républicain. C'est un peu rude, mais c'était sa ligne. Ouais. Sa ligne était plus radicale que celle de David, ça c'est sûr. Voilà. Avec du coup, pour ce qui nous concerne en région parisienne, mais pas seulement, plein d'événements récents qui nous ont ramenés à ce travail finalement. Son travail. Qui ramenait même au travail que vous étiez en train de faire. Ensuite, pour être sincère, Maurice... Avec les événements post-confinement aux États-Unis, je veux dire, et en France. Donc il y a quelque chose... Dans la journée d'aujourd'hui, il y a un hommage qui est rendu à ce chercheur, à ce militant, à cet homme de conviction. Et il y a aussi une transmission, c'est une transmission du flambeau. Voilà. On n'a pas réussi à finaliser le processus de transmission du flambeau. Je pense que ça, on l'aurait... Il a croisé des jeunes, très jeunes, mais... Il n'y a pas une authentique transmission du flambeau entre ceux qui ont 18-20 ans et qui vont dans les manifs. Aujourd'hui, tu veux dire. Oui, d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est l'un de mes regrets à moi. Je me disais, voilà, on va faire en sorte que Maurice, qui a accompagné la génération de ceux qui ont 70 ans, 50 ans, 40 ans, 35 ans, rencontre aussi cette génération qui a 18 à 24 ans. Bon, ouais. Ils l'ont rencontré par l'article de Libération de Franz Durupt, un article de 2 pages qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux. Ils l'ont rencontré par l'intermédiaire de Combini, peut-être qu'ils le rencontreront par ses livres. Et nous, notre travail en tant qu'éditeur, c'est tant qu'éditeur, pas simplement la maison d'édition Libertalia, mais les autres éditeurs ouais. aussi, c'est d'arriver à maintenir l'œuvre en vie, en pérennisant sa disponibilité. Ouais. Bah, merci Nico. Merci à vous, bon courage. Du coup, on faisait référence à ce temps d'échange qui aura lieu, pour le rappeler, à 20h, puisque vous pouvez nous rejoindre au 9 rue François de Berg. Et donc, à 18h, à 18h, il y a deux tables rondes. Oui. Une table ronde sur justement sur la Seconde Guerre mondiale, la rafle du Veldiv et le travail de Maurice sur le camp de Drancy. Et il y a également une table ronde à 20h sur les violences policières avec Raphaël Kempf, Vanessa Codaccioni, David Dufresne, Youssef Brakni et je crois qu'il y a Ramata Dieng, mais j'en suis pas tout à fait persuadé. À bientôt. À merci. Salut. Salut. I see the truth. Even here, in the lies of my city, the truth comes from me with her hands out when I can handle her the least. When the madness has consumed me and I've mistaken it for my nature, when I have given myself over to the things that leave me weak. Each day I wake with the fury to change things, and then with each hour that passes, the fury subsides. I cramp myself into such tight little boxes. I hope that I live, but I'm not sure. This is life. I have seen the lions turn to cubs, and I have seen the hunters turn to prey. Our lessons will come again tomorrow if they're not learned today. I have seen the lions turn to cubs, and I have seen the hunters turn to prey. Our lessons will come again tomorrow if they're not learned today. All things are singing. Life is a chorus. It all gets so deafening, sometimes exhausted. Our ears have grown numb to the song in all things. But sunlight on water, kissing at the bus stop in the rain, or the wind through my fingers when I raise my palms in the dark. It sings to the parts that are still wild, still untamed. Come a little closer, give me something to grasp, give me your beautiful grumbling. I thought I'd learned my lesson once. I learned it till it thumped my head to numbness, yearning it would let me rest. And then I learned it more, I learned it again. And just when I was sure that I had it done, I found myself mid-mistake, and I realized that I'd not yet begun. I have seen the lions turn to cubs, and I have seen the hunters turn to prey. Our lessons will come again and again and again tomorrow if they're not learned today. I have seen the lions turn to cubs, and I have seen these hunters turn to prey. Our lessons will come again tomorrow because they were not learned today. You would think that over time a lesson would just get learned. But time and time again, I find my lessons have returned. And even though I've sworn repent and I've promised no repeat, I find myself back here again with the same old ragged drum to beat, saying how many times must we be shown the outcome of the pattern? How many times must we be shown the outcome of the pattern? My flesh to ribbons, and the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and piston, and there is something in this tenderness that makes me want to live and live and live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle. On était en train de se dire qu'il fallait un peu parler de Maurice et que après cette traversée dans les films, l'antifascisme, la résistance très brièvement, on n'avait pas beaucoup parlé de son engagement dans le RALFRON. Et tu pouvais nous en dire peut-être un mot, Pierre. Mais dans les années 90, une nouvelle force politique apparaît dans le paysage français, en particulier dans une ville telle que Dreux. Et il y a un certain nombre d'intellectuels autour de Gilles Perrault, par ailleurs, qui se mobilisent, d'intellectuels, de militants, et qui lancent un appel qui dit leurs avancées sont faites de nos reculs, ciblant aussi toutes les politiques qui permettent la montée d'un parti ouvertement raciste, héritier de l'OAS. Et parmi eux, il y a évidemment Maurice Rachfus. Et puis, Maurice Rachfus va être très, très actif dans le réseau RALFRON. Il faut voir qu'à la fin des années 90, c'est très important. Enfin, moi, je suis rentré, je raconte ça un peu parce que je l'ai vécu aussi. Moi, je suis rentré là-dedans en 97. Moi, j'habitais dans une ville qui s'appelle Drancy, en banlieue parisienne, en banlieue nord, où l'extrême droite était montée jusqu'à quasiment 40% dans une ville, y compris dont l'histoire était particulièrement marquante. Et voilà, on s'était affilié au réseau RALFRON. Et Rachfus était quelqu'un de est très présent. Enfin, c'était quand même un investissement, un choix de vie. Il allait animer des réunions publiques, des débats partout en France, devant 3 personnes, devant 250 parfois. Il était déjà âgé. Moi, je l'ai toujours connu. J'ai connu Rachfus il y a bientôt 30 ans. Il était déjà retraité, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un copain qui a toujours été vieux et qui a été très. Il a animé par sa présence à très nombreux débats le réseau RALFRON. Évidemment, tout ça se cumulait aussi à tout le travail qu'il faisait sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation des Juifs d'Europe. À l'occasion de ses obsèques, il y a plein d'enseignants qui sont venus raconter son investissement auprès des scolaires pour raconter, et tout ça s'accumulait avec ses livres. Yves nous a parlé un petit peu aussi de ses interventions dans les écoles, puisque lui-même travaillait dans une école en banlieue parisienne, Yves, tout à l'heure. Ouais. Toi, tu peux nous raconter un peu une des rencontres quand vous faisiez ces tournées Moi, ma première rencontre avec Rachfus, c'est par ses livres. Okay. Parce que moi, j'habitais Drancy, où il y a eu un camp de déportation, un camp de concentration et de déportation pour les juifs, presque exclusivement. Rachfus avait écrit le premier livre sérieux et encore à ce jour, je crois que ça reste le seul livre vraiment sérieux et complet sur l'histoire du camp de Drancy, de la manière dont c'est la police française qui a géré le camp jusqu'en 1943, avant que les Allemands reprennent totalement le contrôle. Mais jusqu'en 1943, les convois sont mis en place par la police française, avec toute une série de complicités de la RATP, de l'ensemble de l'appareil d'État français. Et donc il raconte ça. Et pour nous qui habitions Drancy, la cité de la Muette, qui est le nom du lieu du camp, a été réhabilité. Il y avait des gens qui y habitaient. Il y avait une espèce de bizarrerie dans ce camp, dont on savait qu'il avait une histoire particulière. C'est la première fois qu'on a eu à notre disposition un livre complet qui nous racontait toute l'horreur de ce camp, et comment c'est la collaboration de l'État français qui avait rendu possible la mise en place de ce camp, où il y a pratiquement 78 000 personnes qui ont été déportées vers les camps de la mort. Donc moi, je l'ai connu comme ça. Et après, donc on a fait pas mal de réunions publiques. On organisait souvent à Drancy, puis dans d'autres initiatives auxquelles je participais à RALFRON. Il était à peu près toujours disponible. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'était un mec assez doux. Enfin, humainement, c'était un mec très doux, qui levait jamais le ton, qui était assez attentif et tout, et qui dans la colère qu'il avait contre la police, contre la capacité de l'État français à couvrir sans cesse et de renouveler sans cesse cette manière de couvrir les crimes policiers. Et il y avait une colère qui s'est jamais éteinte jusqu'au bout de sa vie. Il a gardé cette rancune tenace et il a continué à instruire le dossier, les dossiers de la folie et de la folie de la police. Voilà, donc je crois que tous les gens qui ont milité un peu à Ras le Front le connaissaient, quoi, parce que il s'est vraiment déplacé partout et il savait, voilà, que sur son nom ça pouvait permettre de faire venir du monde, de faire des réunions de public d'information, de mobilisation. Et voilà, on a un souvenir d'un petit vieux hyperactif. Du coup, il y a aussi la partie mouvement. Alors je regardais là pas une fiche que j'ai faite moi-même, mais sur la mobilisation des mouvements auberges de jeunesse aussi. Moi j'aurais trouvé ça. Tu sais pas, toi, un petit peu ça? Ah, ça c'est sa jeunesse. Ouais. C'est sa jeunesse. À Maurice, je sais qu'il est, il m'a raconté ça quelques fois, mais vraiment je pourrais pas t'en parler. Mais il a été. Mais je crois qu'il a été animateur, même directeur de centres de vacances après-guerre dans le cadre de ce mouvement, dont il a été un animateur parmi des milliers d'autres, mais qui était extrêmement lié, on le sait, dans tout type d'activité, aussi à un engagement militant, quoi. Toutes ces structures d'éducation, de vacances, de... Ah oui, non, mais il y avait... C'est un militantisme très large, quoi. Là, dans les gens qu'on passe, il y a une extension assez énorme de tous les terrains auxquels il a touché, y compris dans les composantes militantes. Bah, tu n'as qu'à regarder la panoplie de ces livres. Enfin, y a une petite récurrence quand même sur les livres qui s'en prennent à la police, mais on a vraiment aussi un spectre assez large d'un militant qui souhaitait faire la lumière sur une série d'événements de pans de l'histoire dont il considérait qu'elle était à écrire, si ce n'est à réécrire, en tout cas à écrire. Et il me semble aussi qu'il a écrit des choses par rapport à la Palestine. Ouais, ça il a... Alors je peux en dire deux mots, mais je connais moins bien cette partie-là de son œuvre. Je sais qu'assez tôt dans sa vie, il a été en Palestine, dans des réseaux de solidarité avec le peuple palestinien. Et il y avait aussi... il n'était pas le seul, hein. Il y a une génération de descendants de juifs déportés qui n'ont pas accepté la manière dont se comportait l'État d'Israël vis-à-vis du peuple palestinien. Et il a fait plusieurs voyages en Palestine. Je crois que chacun de ses voyages en Palestine a donné lieu à un livre, un récit de voyage. Et voilà, moi je ne connais pas, je sais que c'est des livres qu'on nourrit beaucoup de militants de cette cause-là. Mais ça, c'est un des autres aspects. Mais tout ça est hyper, enfin tout ça est assez cohérent. Enfin, je veux dire, c'est l'anticolonialisme qu'il a de sa vie, ça a été de la solidarité avec le peuple indochinois, le peuple algérien et ensuite les autres peuples colonisés qui étaient les Palestiniens. Il y a quelque chose de très cohérent dans les engagements qu'il a dans sa vie et qu'on retrouve à travers ses livres. Ok, bah du coup peut-être que la table ronde qui va commencer dans un quart d'heure reviendra un peu sur toutes ces composantes là aussi, quoi. Voilà, c'est l'idée de ce débat, d'essayer de mettre un peu en débat et de porter un regard sur l'œuvre foisonnante. On se demandait tout à l'heure avec plusieurs copains qu'on a croisés, je crois qu'aucun de nous ne possède l'intégralité des livres de Rachus, d'abord parce qu'il a changé d'éditeur tous les deux ans et que la plupart d'entre eux ont fait faillite ou n'existent plus vraiment aujourd'hui. Et il a beaucoup publié, certaines années c'était deux bouquins dans l'année, donc il fallait le suivre, quoi. Ouais, là il y a une vingtaine d'ouvrages, là, j'ai sous les yeux toute la liste. Merci Pierre. Merci, à bientôt. Ouais, à tout à l'heure. Eh bien, vous êtes toujours en direct sur FPP. Pinot. Et l'atelier radio Parole Errante demain sur le site de La Parole Errante demain. Et vous pouvez toujours nous rejoindre dans le grand jardin. À tout de suite, peut-être. Partigiano, l'arma alla mano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là sopra i monti stanno sparando, là c'è il comando, là. Il partigiano, l'arma alla mano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là sui monti, le stelle alpine, crescono vicine, là sui monti, le stelle alpine crescono vicine ai partigiani. Il partigiano l'arma alla mano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Tout à l'heure, on évoquait que beaucoup d'archives audio existaient. On aurait pu diffuser aujourd'hui, mais il y a un travail en préparation à ce sujet-là, Pierre. Ah, pardon. Ouais, il y a un travail en préparation, peut-être avec FPP, autour des archives audio. Il se trouve que nous, à la radio, on a beaucoup d'émissions qui ont été réalisées avec Maurice. En gros, moi par exemple, je participais pendant une quinzaine d'années à une émission qui s'appelait Les oreilles loin du front, et Rachfus est venu présenter chacun de ses livres, donc je crois que ça doit correspondre à une quarantaine d'émissions puisque c'était un peu la règle, et puis c'était un vrai plaisir d'inviter Maurice à cette occasion là mais je sais aussi, par exemple, vous avez vu Yves tout à l'heure à l'antenne qui dans le cadre du réseau Éducation sans frontières a eu de nombreuses fois l'occasion de faire des émissions avec Maurice. Voilà, on a un certain nombre de choses comme ça. Et puis vu que Fréquence Paris-Plan s'est souvent mobilisé sur en gros les exactions de la police dans les quartiers, dans les quartiers populaires, c'est vrai que Maurice qui traçait, parce qu'il y a bien une autre de ses activités dont je ne sais pas si on vous en a parlé, mais il faisait, à partir de 94 et la mort de Macomé au commissariat des grandes carrières, il a tenu une feuille de chou, c'était un petit 4 pages qu'il fabriquait chez lui, et puis quelques copains aidaient pour la mise en page, et c'est avant internet dont je vous parle, hein, on avait encore des Minitel et des téléphones fixes. Je sais que ça vous parle pas trop, Juliette, je te vois étonnée, mais et donc on s'abonnait en envoyant un carnet de timbre, moi j'avais comme ça, et on recevait tous les mois un bulletin, le bulletin que fait la police, qui recensait les exactions policières. Donc il y avait des correspondants partout en France qui lui envoyaient des coupures de presse, et qui était une forme de recension des exactions policières un petit peu partout. Et puis il y avait un édito de Maurice, et donc ça c'est un truc qui a beaucoup alimenté les militants, et qui a permis d'avoir un petit peu un fil à plomb de ce qui se passait. Et à l'occasion de ce travail-là, il était un peu aussi un peu un spécialiste de que fait la police, qu'est-ce qui se passe. Et donc il y a eu chez nous un FPP, mais dans d'autres radios, il a souvent été invité un peu comme un des rares spécialistes finalement de cette question, capable de porter un regard large sur cette question-là aujourd'hui. Et donc il y a tout ce travail-là à récupérer. Il y a évidemment, il faut tout remettre en contexte, puisque à chaque fois mais alors vu le grand âge de Maurice, on a tous les supports, hein. On a la cassette audio, on a le mini disque, on a des CD, il y en a qui ont des bandes, et puis des fichiers numériques. Donc il va falloir harmoniser tout ça pour évidemment, l'idée, je crois que c'est Juliette en parlera mieux que moi, mais c'est de mettre à disposition ces archives. Ouais. Et du coup, à ce propos-là, donc il y a une première réunion de préparation qui est prévue à la rentrée dans le bar de la cour de FPP le 18 septembre pour discuter avec tous les gens qui ont des archives liées à Maurice et donc pour préparer cette grande soirée qui est prévue pour le 17 octobre 2020. Où il y aura aussi, donc on en avait parlé quand on s'était vus tous la première fois, mais des archives de l'agence Immédiat de Mognis Abdallah, qui est liée aussi. Enfin oui, il y a deux films, il me semble, sur Maurice Rajfus de l'agence Immédiat, donc qui sont liés aussi au MIB, le mouvement d'immigration des banlieues. Donc voilà, première réunion le 18 septembre à la rentrée. Et c'est au 1 rue de la Solidarité. Il y a eu un petit peu de décalage dans l'après-midi, puisque la fanfare a commencé vers 16h et les films ont commencé un peu après. Donc la table ronde qui est prévue débutera pas forcément à 18h pile, mais on vous attend à La Parole Errante. Alors le débat va commencer vers 18h30. Pour ceux qui sont un peu en retard, il n'y a pas de souci. L'après-midi a pris un peu de retard et peut-être que nous allons avoir un autre invité d'ici quelques temps. Pierre est allé dans le jardin chercher quelqu'un pour nous parler et nous apprendre un peu des choses comme tout cet après-midi en direct sur Pinode, FPP et avec la coopération de l'atelier radio, l'atelier studio, on cherche encore le nom, de La Parole Errante. Voilà, donc c'est une radio à plusieurs radios. Thank you. on a rencontré Nicole dans le jardin qui va intervenir tout à l'heure pendant la table ronde. Et est-ce que tu peux mettre un casque, parce que sinon on va pas entendre ce que je te dis. Ouais. Bon, je sais que on va pas développer tout ce que vous allez dire tout à l'heure peut-être, mais comme il a été question de ce premier livre fondateur qui s'appelle ouais Les Juifs dans la colla. Attends. J'ai expliqué ce que ça voilà. Là je vous entends. Qui s'appelle donc, Des Juifs dans la collaboration. Voilà. Et est-ce que tu peux ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sans faire deux fois l'intervention pour nous dire un tout petit peu l'importance de ce livre. L'importance ouais. de ce livre, c'est que c'est le premier à avoir directement affronté la question de la collaboration, c'est le terme de Maurice Rachfus, ce n'est pas le terme de son préfacier Vidal Naquet qui préfère coopération, hein, parce que le terme de collaboration est un terme extrêmement fort, mais il a voulu travailler le rôle des institutions juives. Alors l'UJIF, Union Générale des Israélites de France, est créée par Vichy, mais sur injonction des nazis, on va dire. Et il a voulu mettre en évidence le rôle que ces institutions ont eu, et en particulier une question qui était connue, mais en tout cas moi que je ne connaissais pas. Ouais. C'est-à-dire le rapatriement des maisons d'enfants créées par l'UJIF, soi-disant humanitaire, et qui ensuite ont été, après avoir été dispersées, ils sont rapatriés et ils sont déportés. Voilà. Et il a aussi mis en évidence, je me rappelle très bien, un article, je crois que c'est du 10 juillet 1982, paru dans Le Monde, là-dessus. Et après, il met en évidence les étiquettes, c'est-à-dire que l'UJIF était informé de la déportation qui se préparait. Et au lieu d'informer les gens, ils ont préparé des étiquettes pour que les enfants ne soient pas séparés des parents. Et moi, j'ai travaillé sur d'autres situations similaires où alors on a tendu à donner des fausses listes aux nazis, etc. etc. Voilà. Donc c'est un livre fondateur, courageux. Et la maison d'édition qui l'a publié, ouais, Ouais. Les éditions... Études et documentation internationale. Voilà, merci. Ont été plastifiées. Ouais. Et je n'ai pas retrouvé exactement la date. J'aimerais bien, si un auditeur... la date de... Du plasticage. J'ai été sur place, j'avais parlé avec les éditeurs, mais je n'ai pas la date. Ah, on pourra retrouver ça. Peut-être. Et du coup, fondateur pour cette Pourquoi question, oui, mais aussi du point de vue d'un travail d'historienne que toi... Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Ouais. J'avais voulu le devenir. Et c'est... Une collègue, quand j'étais dans ma banlieue 9-3 au Nez-sous-Bois, là où le jeune Théo a été violé, eh ben, y a une collègue qui me dit « il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette question ». Alors j'ai commencé à suivre Maurice, et puis je l'ai vu des tas de fois, et je ne lui ai reparlé que là, il y a très peu de temps, 6 mois, en janvier, et j'en suis encore bouleversée. Parce que je n'attendais pas à ce qu'il meure. On a parlé 2 heures durant, hein. Sans interruption. Ouais. Voilà, si ça te suffit, c'est bien. Bah écoute, merci. Voilà. Tu reprendras cette chose-là. Le débat commencera vers 18h30, je crois. Oui, c'est ce tu qu'on fais m'a partie dit. De, ouais, de la première, de la première table ronde. Merci. Merci. Merci Nicole. I'm gonna تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت انت حناشه تاني اول مره اول مره اول فرحه تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب ولا أحكي ولا أخبي ولا وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني إلا أنا ولا أنت حناشة تاني افرح واملى الدنيا أماني إلا أنا ولا أنت حناشة تاني أول مرة أول مرة قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت حناشة تاني افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت حناشة تاني أول مرة أول مرة peacemaker. nous avons un nouvel invité, Rémi, qui vient de nous rejoindre. Depuis 16h, on reçoit un peu des compagnons de chemin à différents moments de Maurice. On parlait avec Pierre de la période Ralfron. Je crois que tu peux nous raconter des choses. Oui, Maurice, d'abord le parcours politique de Maurice, j'imagine que beaucoup de gens en ont parlé. Moi, ce que je voudrais dire sur Maurice, c'est cette présence permanente, fidèle, quel que soit le type d'initiative que l'on prenait à Ralfron, que ce soit une manifestation de rue, que ce soit des choses un peu plus, on va dire, olé olé, comme une conférence de presse devant un meeting de Le Pen au Bourget, que ce soit pour partir en province, animer une réunion au fin fond d'un département avec peut-être 15 personnes qui seront là, Maurice était toujours, toujours partant. Maurice, pour lui, c'était sa vie, quoi. Il était omniprésent, il ne demandait rien. Souvent dans les initiatives, je le cherchais des yeux, je savais qu'il était là. Il était dans un coin, discret, avec son caban bleu, sa casquette de marin, presque timide, alors que son discours était très fort. Et Maurice, c'est vraiment ça, c'est cette présence, cette certitude que quel que soit le challenge, quel que soit aussi d'ailleurs le thème qu'on allait discuter, que ce soit le Front National, que ce soit les libertés, que ce soit la police, Maurice était là. Et Maurice avait son discours d'une voix douce, mais volontaire. Il lâchait rien sur les idées, mais il n'était jamais intransigeant, toujours ouvert à la discussion, prêt à affronter et à débattre, et toujours cherchant, quand il y avait parfois des discussions qui pouvaient être un petit peu tendues, parce qu'il fallait trancher sur des orientations ou faire des choix, Maurice était toujours là à essayer de concilier sans jamais rien lâcher sur le fond. Vraiment, Maurice, ça a été le compagnon fidèle, quoi, du début de Ralfron, des origines même de Ralfron, avant même que Ralfron existe, quand ça s'appelait encore l'appel des 250, avant que le journal soit créé. Tu peux raconter un peu du coup ce démarrage avec Maurice, même y compris comment vous étiez allé le rencontrer, ou est-ce qu'il était déjà dans les réseaux que... Il était déjà dans les réseaux, ça s'est fait beaucoup avec Anne Tristan, qui venait de sortir le livre Au Front, son expérience militante à Marseille dans les rangs du Front National, qui a été aussi un déclencheur pour ce mouvement antifasciste. D'un coup, on a compris que la problématique n'était plus seulement un affrontement avec l'extrême droite, tel qu'on en avait l'habitude, en tout cas moi j'en avais l'habitude dans les années 70, début des années 80, mais le problème c'était qu'il fallait aller chercher les électeurs et les gens séduits par le Front National dans les quartiers, c'est ce que le livre d'Anne nous disait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a lancé l'appel des 250, qui disait leurs avancées sont faites de nos reculs, donc ne lâchons rien, restons dans les quartiers, dans le milieu associatif, reprenons nos responsabilités citoyennes et combattons-les là où ils sont. Et Maurice était déjà dans les réseaux militants, et du coup avec Gilles Perrault, avec beaucoup d'autres, on a lancé l'appel des 250. Ça a été une rencontre de réseaux très différents, des réseaux culturels, des musiciens de jazz, des réseaux plus militants comme celui de Maurice, qui était un militant chevronné, de l'internationalisme notamment. Et de voix fortes comme celle de Gilles Perrault, de Thierry Jonquet, enfin voilà, beaucoup de gens. Et Maurice n'était pas un fanatique des réunions sur les structures, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais il était disponible. Il disait, écoutez, Rémi, si tu as besoin de moi, tu sais, voilà. Et en effet, il partait à Périgueux, à Brive, enfin là où on lui demandait d'aller. Mais il le faisait aussi déjà pour lui-même, puisqu'il le faisait pour témoigner sur ses ouvrages et sur son expérience. Évidemment de 42, et du coup c'est quelque chose qui a accéléré encore plus cette capacité de Maurice à passer des messages et à venir juste témoigner, mais un témoignage tourné vers l'action toujours. Et du coup ces tournées que vous faisiez nous disait tout à l'heure, je crois que c'est Yves qui nous parlait de ces rendez-vous dans les écoles entre 3 et 250 personnes. Vous, c'était des tournées militantes liées donc du coup à des mobilisations précises dans certains quartiers où le Front National était En fait, hein, raconte-nous. En fait, le réseau, il s'est développé. Évidemment, il a inflationné, malheureusement, après le gain des villes en 95 par le Front National au municipal. Donc Marignane, Orange, Toulon et puis Vitrolles après. Donc des collectifs se sont créés partout, mais pas seulement à cause de ces trois villes, c'est parce que tout simplement on s'apercevait que le Front National était en capacité, même dans des endroits improbables, de faire des 20-30%, et les gens ne comprenaient pas. Du coup, la réaction, elle était d'abord citoyenne. Il y a des endroits où les gens n'avaient pas d'expérience politique particulière et des comités sont montés. Ils étaient très demandeurs, donc d'intervention, ça pouvait être sur des thématiques assez différentes, puisque Le propre même de l'antifascisme, en tout cas c'est ce qu'on expliquait à l'époque, c'était qu'on n'était pas seulement focalisé sur la question du racisme, mais il y avait aussi le sexisme, il y avait aussi les politiques antisociales, il y avait ce repli nationaliste, et du coup toutes les thématiques étaient disponibles pour débattre et alimenter cette génération militante des comités Ralfront. Et donc Maurice, il répondait présent. Alors c'était rare qu'on parte à plusieurs, parce que on n'avait pas tant de monde que ça pour porter les messages, et du coup bien souvent c'était des voyages un peu solitaires. On prenait le train, on était accueillis par des réseaux militants toujours chaleureux qui vous logeaient, et Maurice était là et il faisait vraiment bien le job, et il était là aussi dans les initiatives plus importantes, genre meeting, où là il y avait plusieurs personnes qui se relayaient, et Maurice, lui, il était à ce moment là beaucoup plus centré sur la question des libertés, évidemment, et des violences policières et des collusions aussi qu'on pouvait remarquer à ce moment-là entre parfois les services d'ordre du Front National et la police, notamment quand il y avait des meetings de Le Pen dans les villes. Donc ça a été une période vraiment riche de rencontres, et Maurice était toujours disponible, toujours souriant. Merci Rémi. La jeunesse.